Jusqu'à maintenant, j'étais sur une route où j'étais prioritaire aux intersections rencontrées. Ce panneau barré d'un trait noir indique que cette route perd ici son caractère prioritaire. Cela veut dire qu'à la prochaine intersection, je pourrais rencontrer des feux tricolores, un rond-point, un stop ou un cédez-le-passage. Réponse A et C.